Hola la music, en Rafael Corbí. Programa de música en francès dedicada a la millor música cantada amb aquest idioma en tots els seus estils, totes les seves generacions i tota la música que podem escoltar d'ahir, d'avui i de sempre i també, com no, la més moderna. Avui, però, recordarem per començar. Que vais-je en faire? Oh, j'ai voulu, j'ai tellement couru. Això és Hola la music, el programa de música en francès, amb una nova edició a la que s'acosta a tots els nostres oients. Com sempre, un plaer immens haver estat de nou amb tots vosaltres, amb tots vostès, amb l'edició número 116 d'aquest programa setmanal. Històries naturals, un disc publicat el 2005, número 3 a França, número 7 a Bèlgica, número 44 a Suïssa, un disc realment preciós a càrrec, ja ho he repetit moltes vegades, perquè hem anat escoltant diversos dels seus àlbums, encara ens en queda algun, però escoltarem molta bona música de la Nouwenn Leroy, aquesta cantant nascuda a Saint-Renan, a Finisterre, a França, el 28 de setembre del 1982. Avui repassem per començar aquest el seu disc, Històries Naturals, publicat aquest 2005, que va contenir doncs cançons precioses, com per exemple la que li donava el nom. Amb aquesta història tan especial, comencem el nostre programa d'avui. Voix d'apparition histoire naturelle. J'ai la gorge nouée, une porte à pousser. Tu ne dois rien savoir de mon émoi. C'est un jour de soleil, mais tout est triste en moi. Et je me suis juré d'être forte pour toi. Je crois vraiment qu'il faudrait si peu de choses pour que je craque et que je me montre vulnérable enfin. Car je sais que tu vas nous quitter, mon ange. La clarté étrange de ton sourire illumine mon été. Je sais tu vas nous quitter, mon ange. Mais comment oser te toucher? J'ai si peur de voir mes mains trembler. Je m'assois sur ton lit. Toutes ces vagues de plis où tu pourrais te noyer pour une éternité. Je vais dire des bêtises, te raconter mon château, parler de bien ma hantise. Et s'il me manquait des mots, et pourtant je crois accepter avec courage comme toi tu le fais. Car je sais que tu vas nous quitter, mon ange. La clarté étrange de ton sourire illumine mon été. Je sais que tu vas nous quitter, mon ange. Et si me fait. ma meilleure amie Andy, Jack, Kerouac, Bridget Jones, ses amours en fac et mon académie, les cowboys, les cowboys, tous ces doutes qui m'assaillent et ma mère qui me disait à ton âge, y'a des choses qu'une fille doit savoir. Escoltant la música d'aquesta cantant francesa Nolwenn Leroy, que ens aporta les cançons avui recuperades des del seu disc Històries Naturals del 2005, tots els 5 senzills publicats d'aquest magnífic àlbum, que la veritat és que ens encanta, entre elles aquesta cançó que acabo d'escoltar, que va ser un número 1 a França i un número 3 a Bèlgica. Les demés es movien en diferents posicions, com el 14 de Monange o el 30 d'aquesta Història Natural, que era el senzill, i dos senzills més que també escoltarem amb el nostre programa, que no van arribar a entrar a cap de les llistes. Per exemple, aquest Jamais dans la mer i el Reste encore, que també escoltarem amb el nostre programa. J'aimais trop les mêmes.

et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. Tu m'entraînes dans la foule d'une fête qui déroule ses ailes, ses dentelles. Et je suis riche de rêves comme le sont les gens pauvres de là-bas. Oh, oh, quand tu souris, je m'envole au paradis. Je vais à Rio de Janeiro et l'on se jette dans l'eau bleue de l'océan. Que peuvent s'offrir sans argent ceux qui n'ont que les fleurs dans le cœur? Paris, je vais à Rio, Rio de Janeiro, je prends ta main, Rio. Et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. On s'envole et l'on s'invente des millions de gens qui chantent dans nos têtes. Oh, quelle fête! On se lance dans la danse qui balance entre la vie et l'amour. On se lance dans la danse qui balance entre la vie et l'amour. Oh, quand tu souris, je m'envole au paradis. Je vais à Rio de Janeiro, je prends ta main. Et nos cœurs font plus de bruit que toutes les timbales du carnaval. Oui, quand tu souris, je m'envole au paradis. Je vais à Rio. Esteu escoltant Ulala Music. Je vole au-dessus des ombres. Què hem fet avui? Doncs perdre'ns també la música del 1987, a Olala Musica, i la música Papillon de Nuit, de l'àlbum de la French Girl, el que va becar excel·lent aquesta interpretat. Doncs avui, amb els ritmes més moderns, ens acompanya ara mateix amb els tres senzills que en varen sortir d'aquest àlbum, ja a la recta final del nostre espai. Va becar, L.A.L.A. i Evidentment, una altra de les cançons fantàstiques d'aquest disc de la French Girl. We'll be right back. gaieté comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et les espoirs, quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as, doncs fins aquí la companyia que ens ha portat avui la French Gold per anar acabant el nostre programa. Ens han quedat un parell de senzills per revisar d'aquest espai, de l'últim, evidentment escoltarem el darrer minutet de la cançó, però de les chansons de Zima no l'escoltarem, un altre dia serà. És French Gold que ens ha acompanyat al final d'Ola la Música, en Rafael Corbí. Serà fins la propera, moltes gràcies per haver estat al nostre costat. A reveure. Évidemment. les enfants.